Bienvenue à tous sur le 96.2. Si vous venez de nous rejoindre, Chantal avec vous, et bien jusqu'à 16h30 pour votre émission Groove Tropical. 96.2, toujours la bonne fréquence hein, pour le maximum de soleil. Surtout cet après-midi, on en a dehors, nous on a aussi à l'intérieur pour vous en mettre plein les oreilles. On va continuer comme ça avec le meilleur du zouk, les nouveautés bien sûr, et aussi des coups de cœur rétro. Et puis du bon compas tout à l'heure, vous verrez, du compas en live. Très très bon après-midi en ma compagnie. Le mal je programme rentre ta li di fait exprès. Li di mire même, c'est vrai même pas bal respect. Li gonchan la j'y a même tant que le tap pousse mal extrait. M'em pas chercher raison, besoin gérer problème non. Ou c'est moun kap pi comprenne mouè d'aïe nous dans même domaine non. L'em pas dis, m'ba dat, li frontal oui. Li rive fâché l'el wèm le vidéo at baki. Da fâché doui. Bon mèk koun yal viré d'ol. Tout mi c'est fâché pour tête li wèm a bon en vidéo. Kalis font si calme a considéré m'piné d'o. Mais il me manque putain. La chèche en vidéo. Qu'est-ce qu'on comprime? Ça s'y déprime. Si ou remè moun nan tout bon, c'est les goûts éprimés. Lire les métoiles, tout en l'y parle même ça. Femme ta fait un choix, un amour accès là. Ça tris, pour nous moun nan, mais où est-ce qu'on quitte l'aller? Dans mon bon des sacrifices, tris, pour nous moun nan, mais où est-ce qu'on quitte l'aller? Pour pas qu'il y ait problème, tout mon café. Mais c'est pas de bagaille, qu'il y ait moun nan, bla bla. Le ou a fait tout ça, moun nan, va remer. Mou pas bien dans l'aller. Mwen vle pa la fò, mwen do pa do pou sa mfò, mba mwen pou ki ou pa vle tande. Ou pa pe explike moun a fò, fè malè tout sa mba wò, ou la son mwen mwen skè tombe. Ou pran tout mwen mène la fò, mwen kon nou ba fè la kè, sou sa sou mwen ki plombe. Mba kon ki moun ki a fò, ni kote li pra la fò, di kon toye ma bin tombe. Chéri t'en pri, rete, paske se te trombo. Mwen se prezant sou nan vim, sa baby please don't go. Ensemble nous t'appartions famille. Qu'on y a moins wop, les prenons l'autre direction. C'est dans le dialogue, nous cabine pis amis. Ou parle pas la veine, des bougues trop discrétion. Ou elle fait, mais ou ka comprenne ça, ma p'tit la zami. M'bap m'en dépoule tourner juste parce que moi connais au la zami. A tout kem, moi fais le combat dans vim. Cause bae, ma vive la se bae, moi qu'on gagne dans film. Ça tris, pourquoi pas mon nom, mais oui, vous quittez la lèvre. L'amour m'a des sacrifices, fils, pourquoi pas mon nom, mais oui, puis vous quittez la lèvre. Mwen pa gen problèm, tout moun ka fè yere. Mwen se pa tout bagay, gen yon moun a blako. Lè ou ap fè tout sa moun a pa remè. Gen pou pa vle tante, lè gen la palavo. Franchman sa tris pou moun pou moun nan men. Ou ebi pou ki te lale. Bebe, bebe, bebe, apren bebe. Moun bola, moun bola. Apren bebe, moun bola, moun bola. Tout comme un story of hope. Pas ça ouais mi ca. Papa, aide moi pas ça ouais moi là. Et tu qui t'as pour prendre moi fou. Je dis à mon baby for all. Yeah. Fidélité au 87.2 de rester bien avec moi également. En tout cas, Sac et Chaud, extrait du tout dernier album de Carbetti sur le 87.2. fè pè fè gè ou sou mwen Pou mwen ka pase jounè ma bè ou mwen mè bien sûr avec qui joue au chant et il est accompagné de Rochelle. Moi j'adore l'album à découvrir sans modération. Jamais connu, jamais. vues. Mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux. Avec toi, j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur. Tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu me dis que c'est moi. Bébé, je peux me croire en toi. Je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Now, wow, wow. Dans sans ça va tout arriver dans mon temps. Toujours s'aimanté. C'est moi qui sais quand je chante. Y'a qu'un cap touche dans mon chapitre. Tout est contrôlé. Sous-titrage Société Radio-Canada. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. Une identité. moi je t'aimerai, ne sois pas comme les autres. Coco Chanel, Louis Vuitton, tu m'achètes avec ça. Monnaie, je fais everyday, et j'en fais autant que toi. Pour nous deux, je ferai attention. Tu me trompes, chanter Cendrillon, choqué, j'enchaîne rotation. Car ma voix sur ta station, ouais, ça c'est mon principe. Dès que je criminelle, du jeudi au samedi, en se parlant des haines. Y'a pas d'affaire tapée, ça vaut pas la peine. Un jour, je serai parti, tu me verras dans story. Dès que je ferai pas semblant, que tu me sens bébé. Je ne peux pas quitter. Jolie bébé sans durci, je soignerai ton cœur sans souci. Jolie bébé sans. como la primera vez. Yo no te he dejado de pensar y yo sé que te pasa igual. Qué bonito es volverte a encontrar. Extrañaba esos besos y contigo bailar. Antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama. Eres todo lo opuesto a mí, pero aún así, antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama. Eres todo lo opuesto a mí, pero aún así no va a comerte una como yo, Never. Yo te pienso en casa solita y más si llueve. Este cuerpo es tuyo, aquí lo tienes. Dale, ven pa' acá que pa' el beso tú me debes. Pa' hacerte esa cosita de la que te gustaba. Papi, contigo era todo nada. Vamos a repetir lo que ya sabe la almohada. Era exactamente como te lo imaginaba. Antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama. Eres todo lo opuesto a mí, pero aún así, antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama. Eres todo lo opuesto a mí, pero aún así, pero aún así. Y es que volver a tener otra noche contigo es como volver a encontrar el amor que perdimos. Como en viejos tiempos te digo, no puedo mirarte con ojos de amigos. Voy a hacerte cosita de esa que te gusta. A ti contigo no me falta nada. Dame un beso de eso que me dura una semana. Mami, esto es pa' hoy que yo no sé mañana. Antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama. Eres todo lo opuesto a mí, pero aún así antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama. Eres todo lo opuesto a mí, pero aún así antes que salga el sol por la mañana, llevemos la fiesta a la cama. Eres todo lo opuesto a mí, pero aún así ce soir j'ai des choses à te dire. Mais tous les jours, vous gardez moins flipper. Il y a longtemps, l'amour, j'a consumé. Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. Yeah.

96.2. La FM en couleur. Seguramente no quedó más solución que separarnos a pesar de nuestro amor. Y no te niego que quizás fue lo mejor después de todo. Para entendernos no bastaba con querer, para querernos no faltaba madurez. Del fuego que encendimos una vez queda el rescoldo. Que no se te olvide el más pequeño sorbo del pasado, el sueño más querido y más soñado, el beso que nos dimos como adiós. Solíamos tener por tonterías. Me sobra tiempo y no sé qué hacer con él. Hago proyectos que se mueren sin hacer. Es que la vida no me va ni mal ni bien sin tus caricias. Que no se te olvide sa gen pou jam ouver. Li pa gen pou jam ouver. Li pa gen pou jam. C'est pas vie, c'est pas vie. Bagay pou pale pou li. Yo la de li mwen, pou la de li mwen. Poutan mwen pliye kom pou li. Yeah, yeah, oui. Mwen yè mè ou plis ki ou remè mwen. Mwen ka profite de mwen mè. Mè ou fè mbi kone mwen. Mwen ba yè problem mwen. It's not easy, it's not easy. To loving you so much of yourself. Je ne peux vivre attachée, attachée, maman. J'ai Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. Abandonné à un étranger goût amer, fallait s'y préparer. Et si jamais tu viens à l'idée, un jour de tout abandonner. Pense au jour où tout allait entre nous. Tu gagnes en pile complicité, la guérison pour l'abandonner. Laisse-les parler, toi et moi rien ne nous. qu'il te faut. Je suis prêt à lâcher tous mes bails, tout abandonner. J'accepterai tes névroses. Crois-moi, il en faudrait bien plus pour m'impressionner. Ne restez qu'un détail. C'est nos deux cœurs battent ensemble qui peut nous séparer. Soit mon diamant, soit mon crâne. Toi, t'es vraiment pas comme les autres. Je suis déjà Femme sourde, tandis ça me galère, il y a une kay la son patan di mami pa facile. Le fet bien mais la kay voisine nan kon répétition. Si bon fet maman même pas vu, pense il y a plus bénédiction. Parce que yo pas comprendre, yo pas nan position. Yo pas chercher pour mes problèmes, yo pas solution. Yo pas pour la vie, yo pas ouais ça pral fait mal ya. La vie pas fait m'y est, c'est mon défait, je me demande à me dire yes. Quand des moments de dit yes, les sa pas bon de dit yes. Les fait content de dit yes. Quand l'église l'homme de dit yes, les sa bon pas glam de dit yes. Jusqu'à la bon de dit yes. Ma kebe yes man. Mais m'en fais qu'à souhaiter. M'en fais qu'à souhaiter. Les gens ambiance la camotée. Yo tout je compas. Yo tout je compas. Wapé rablabla. Wapé rablabla. Léo tout chanté. Léo tout chanté. Son béradoté. Son béradoté. Mais pour qui ça là? Mais pour qui ça là? Mais pour qui ça là? Mais pour qui ça là? Tout dans son radoté. Son rablabla. Voilà qu'il est bien une fois jamais. Une grosse tropicale avec une petite séquence rétro-compas, un petit peu plus en avance que d'habitude. Bah oui, que voulez-vous, quand on a les mains qui se baladent partout sur les tableaux, j'ai un petit peu envoyé la musique un peu plus trop rapidement. Bien, en tout cas sur le 96.2, bah, je vous souhaite un très très bon après-midi en compagnie, une très très bonne demi-heure de très très bons compas en live, rien pour vous et pour tous les fanatiques. nage en retard. En soufflet, soufflet, soufflet, c'est la mer. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh,

Super Life avec Design. Voilà, je sais même pas quand ça date. Bon, allez, dans les années 2000, on va dire. En tout cas, c'était Gad Palais. Et puis, c'est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve bien entendu jeudi prochain, même heure, même endroit, 14h, 16h30. Et je vous laisse en compagnie pour terminer d'un autre like. C'est des sentiments, mais alors rien que ça, rien que pour vous, avec le maximum de soleil. Bye bye, très très bon week-end à vous. Happy anniversary, people. Ici de la musique, here we go. Everybody say party time. Party time. Party time. I say party time. Everybody say party time. It is party time. It's party time. I say party time. Everybody say party time. I say party time. It's party time. I say party time. Everybody say party time. Party time. Jump in the valley. Cadê? Quand je m'en fous d'un bas de gang, de gang, de gang, c'est de la séo. Je s'en bats, j'aime. Mais de ma fille d'un bas de sang, de sang, de sang, c'est de la séo, là, là. Mais de ma fille d'un bas de sang, de sang, de sang, c'est de la séo, là, là. Mais y'a pas d'enfant, bas de sang, de sang, de sang, c'est de la séo, là, là. Mais de ma fille d'un bas de sang, de sang, de sang, c'est de la séo, là, là. Mais y'a pas d'enfant, bas de sang, de sang, de sang, c'est de la séo, là, là. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur.